Comment il vient le verbe avant le fa'il? Yadkhal, il vient au mudhakkar. Ça n'a ma'louf, mais il vient comment? Quelle forme? Là il dit yadkhuluna at-tullab. C'est quoi? Dakhala. Là c'est mudhari, tu restes au mudhari. Toi tu dois juste corriger l'erreur qu'ils ont fait. L'erreur elle n'est pas dans le temps du verbe. Elle est dans quoi? Yadkhulu. Aïe ouais, yadkhulu. Il faut le mettre au singulier. Ouais, ils ont mis être relou ou nat ou lèbou. Maintenant, tu te trouves avec deux fa'il. Je t'ai dit, il y a une langue en langue arabe. Même dans le Coran, il y a. Attends, c'est quoi le verset dans Surat Al-Anbiya? Là, je ne l'ai plus en tête, mais il y a des versets. Il y a même des hadiths qui sont venus dans avec ces formes-là, mais c'est très rare. D'ailleurs, c'est très rare. Ouais. C'est très rare. À la base, c'est que tu ne le dis pas. Non. Salisan. At-tabibat. Yakhrajna. Yakhrajna. Yakhrajna. Yakhrajna. Aïwa. Damma. Yakhrajna min al-mustashfa. Fi sa'ati al-wahidati. Les médecins femmes sortent. Allez, parce qu'ils ont mis Yahrujuna. Ils ont mis Kwaru Jamara qui est pour les hommes. Yahrujuna. Donc, comme tu as dit, c'est Yahrujuna, mais Mustachva. Puis Sa'ati, Al-Wahida. Donc, c'est-à-dire que les médecins femmes sortent de l'hôpital à 1 heure. D'accord, je trouve le verset là que je t'avais dit. Voilà le verset dans le Coran où il y a l'exemple que je t'ai dit. وَأَسَرُّ النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا. Regarde, là, il a mis وَأَسَرُّ. T'as voir le jama'a. النَّجْوَى. Ça va être le maful bihi. Et après, le fait, c'est الَّذِينَ. Tu vois. Il a mis وَالْجَمَعَى et après, il a mis الَّذِينَ. C'est-à-dire que là, tu peux te trouver avec deux fa'il. Tu te trouves dans le même cas que cette phrase-là. يَتْرُلُونَ تُلَّابُ. Il y a aussi un hadith, c'est يَتَبَادَلُونَ مَلَيْكَةُ اللَّيْلِ وَمَلَيْكَةُ النَّهَارِ كَذَا الْمَعْنَى qui est venu avec la même formule comme ça, mais c'est très rare. Tu vois, c'est très rare. C'est-à-dire, si quelqu'un fait la phrase, on ne peut pas le dire, c'est faux, parce que le Coran et la Sunna, il y a des adillah, mais c'est rarement employé. Tu vois, c'est rarement employé, et le plus correct, et ce qui est le plus convenable pour faire comprendre des gens, c'est parler comme ça l'est répondu. Mais en tout cas, après, c'est les savants ont divergé dans l'Irlob. Comment on fait l'irlab de cette phrase-là? On ne peut pas avoir de fa'il. C'est parti avec plein d'exemples, plein de trucs différents. Inch'Allah, qui te seront exposés dans le kitab al-mutammima. Inch'Allah. Je crois que c'est l'orat à Kaloni al-Bara'is. Ou un truc comme ça. Comme ça la langue. J'ai oublié, comment on dit. Non. On reprend. Donc, Jumal Rabi'a. Yajlisu al-Talibat al-Judud fil saf al-Akhir. Non. Ben là, on se trouve dans le même cas. Ouais. Donc, comment tu vas dire? J'ai dit Yajlissou déjà. J'ai pas dit Talibat. Yajlissou Talibat. Yajlissou Talibat. Eux, ils ont dit quoi? Yajlissna Talibat. Donc, ils ont mis quoi? Ils ont mis le nun niçois. Et après, ils ont mis Talibat. Donc, ils ont mis deux fa'il. Donc, là, il y a une erreur. Tajlissna? Tajlissou? Tajlissou, non, faut mettre le T. Ça revient à quoi? Aïe, à la base. Donc, c'est les étudiantes, les nouvelles étudiantes, s'assoient dans le dernier rang. Khamisan. Aïna tadhabou, ya ikhwan. Attends, on va d'abord dire avec l'erreur, pour qu'on puisse s'amener. Aïna tadhabna, ya ikhwanou. Donc, où allez-vous? Ils ont mis la forme féminin. Où allez frère? Fanta, c'est kif takoul? Aïna tadhabou. Naam. Ya ikhwan. Naam. Désolé, les erreurs, on peut pas leurs erreurs, les fautes qu'ils ont fait là, on peut pas les traduire. Faut obligé de lire en même temps. Sadisan. Urti yadrusu fil madrasati athanawiyya. Donc ma sœur, comme je disais, il étudie là, tu vois, au collège. Urti tadrusu au lycée. Fil madrasati athanawiyya. Naam. Tadrusu. Sabian. Madha taktubuna ya banati. Donc, comme je disais, qu'est-ce que vous écrivez, vous, en fait, en s'adressant des hommes, ô mes filles?